Sans trop d'importance, un petit bout de musique dans votre existence. C'est juste une chanson en ré et en dièse. Y'a aucun message, sinon ça vous plaise. Écrire sur j'avais tort, faut pas s'enflammer. Toute l'horreur du monde et puis ma détresse. Je sens la terre qui gronde, qu'emporte ma jeunesse. Je sens la terre qui gronde, qu'emporte ma jeunesse. C'est juste une chanson sans trop d'importance, juste une chanson en ré et en dièse. Y'a aucun message, sinon que ça vous plaise. C'est juste une chanson pour vous faire danser, un petit morceau de vie très vite oublié. Chanson en 3 minutes 30.